Bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. Bienvenue dans cette émission Forum Jeune. Au micro, Pacifique Chubairo, Jean de Dieu Ndaisenga, assure la mise en onde. La liberté est inhérente à la nature humaine. Depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, chaque être humain aspire à jouir pleinement de cette liberté qui, pour la plupart des cas, doit être contrôlée au risque de déboucher sur le libertinage. Aujourd'hui, les parents sont de plus en plus considérés par leurs enfants comme un frein à cette liberté. Ils seront tantôt qualifiés de conservateurs et moins progressistes. Entre culture qui souvent donne peu de liberté aux jeunes Burundais et modernité qui favoriserait l'inverse, les parents et les jeunes sont souvent en conflit. Comment doit-on appréhender cette liberté chez les jeunes? Comment définir cette liberté souvent recherchée par les jeunes? Que faire pour que la liberté chez les jeunes ne soit pas surtout source de méconduite? Que doivent faire les parents face aux enfants qui réclament davantage et plus de liberté? Voici les quelques questions qui feront objet de notre échange dans le Forum Jeune d'aujourd'hui. Et nous accueillons au studio deux invités, Spajon Gabo, blogueur Ayaga Burundi. Merci pour avoir été des nôtres dans cette émission Forum Jeune et bienvenue à ce studio. Merci et bonjour et bonsoir. Je dis également bienvenue et bonsoir ou bonjour Didier Ndamukunda, membre du collectif pour la promotion des associations des jeunes CPAJ. Bienvenue dans cette émission au Forum Jeune. Oui, merci, bonsoir. Et voilà, à vous tous à l'écoute de cette émission Forum Jeune, nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue. Voilà, Spajon Gabo, vous êtes jeune, vous êtes étudiant, vous êtes blogueur, vous êtes surtout souvent face à certaines questions qui touchent les jeunes, la liberté chez les jeunes, que ça vous inspire aujourd'hui, vu le travail que vous faites dans le collectif Yaga Burundi, au regard des sujets que vous traitez par rapport à cette thématique. La liberté des jeunes ou la liberté pour les jeunes, je ne sais pas comment dire. C'est un concept qui est là. Je pense que on la vit beaucoup plus, on le vit beaucoup plus, beaucoup plus qu'on en parle. Il y a un conflit, je dirais que c'est un conflit entre l'évolution avec la modernité, les temps modernes, ce que diraient certains comme le développement ou, je sais pas, des coutumes, de la culture, l'évolution des cultures, et tout consort avec, par exemple, les notions ou les concepts d'émancipation de la femme. Ça, c'est un des concepts qui compose la liberté, entre autres, des jeunes. Et de l'autre, sur l'autre versant, donc du conflit, il y a cette culture, la tradition. On se sente à la tradition dans cette culture, celle qui définit l'interdit, celle qui définit les lignes de conduite dans la société. Comment telle ou telle autre personne doit se comporter. Et là, il y a, je dirais, un autre concept qu'on appelle la normalité. Du moins la normalité des comportements, la normalité des conduites et des attitudes dans une communauté. Et il existe des critères qui définissent la normalité dans chaque communauté. Et si alors un individu ou un élément d'une communauté donnée, et ici on est en train de parler de la jeunesse burundaise, je crois, ne parvient pas à s'aligner, à s'adapter à ces comportements, à ces attitudes qui sont considérées comme normales dans la communauté, je dis burundaise, ces personnes vont être considérées comme déviantes. Et quand on qualifie déjà quelqu'un de déviant, c'est déjà là l'existence du conflit. Et si les jeunes sont les éléments de cette communauté, sont là et sont sujets à ce conflit, on a les parents qui, eux, paraissent comme des régulateurs. Ils vont jouer un rôle policier. Nous y reviendrons. Je me retourne du côté de Didier. Comment une notion en soi qui est bonne, telle que la liberté, soit devenue source de conflits entre jeunes et parents? Où se trouve le problème si on essaie de nous aligner par rapport à l'argumentaire d'Ospage? En fait, c'est vrai qu'on peut dire que la liberté peut devenir peut-être une source de conflit dans la société. Parce que, avant tout d'abord, je peux dire que les jeunes constituent une couche sociale la plus active dans chaque société. Et par là aussi, je peux dire aussi que le sujet de la liberté dans la catégorie de jeunes est très débattu partout dans le monde, même ici chez nous au Burundi, dans notre culture. Et c'est vrai, ça devient un sujet de conflit parce qu'il y a un partage d'opinions, là où peut-être certaines opinions montrent que on devrait peut-être limiter cette liberté par rapport aux jeunes. Et d'autres opinions peut-être disent qu'il faut au contraire contrarier cette liberté pour que peut-être on puisse normaliser certains comportements de jeunes, justement avec ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on dirait que les parents burundais sont conservateurs et les jeunes souvent sont progressistes et modernistes? Aujourd'hui, justement, il y a, d'une part, on peut dire qu'il y a une catégorie de parents qui sont conservateurs, et d'autres qui sont les libéraux. Et par rapport à la catégorie de jeunes, les jeunes actuellement vont de pair avec la mondialisation, la modernité. Et là, ça est difficile de dire que certains jeunes sont un peu favorables à la conservation de parents ou peut-être sont juste totalement libéral. Spajon Gabo, aujourd'hui, on a ces jeunes qui voudraient aspirer à la liberté. Est-ce que aujourd'hui, les jeunes burundais ne sont pas libres par rapport aux parents? Dire qu'ils sont ou ne sont pas libres, c'est difficile de juger. Franchement, c'est difficile. Je dirais que c'est à analyser ou à étudier au cas par cas. Il y a des jeunes qui sont effectivement libres malgré la pression des parents ou la surveillance des parents. Ils ont ainsi décidé de vivre librement, de décider comment ils se conduisent, de décider de leur comportement. Mais il y a aussi des jeunes qui ne sont pas libres, qui restent vraiment surveillés. Souvent, on parle de citadins contraires aux villageois. Surtout chez les citadins, c'est là que la surveillance, les cas où les jeunes sont surveillés, sont beaucoup plus trouvés. Mais là aussi, chez les citadins, encore une fois, c'est là même où on trouve des jeunes qui ont, je dirais, beaucoup plus de liberté. On trouve beaucoup d'écarts. Certains qui sont plus surveillés et d'autres qui sont de plus en plus libres. Ouais, autrement dit, le plus surveillé et le plus libre sont ça se trouve dans la, dans dans le milieu, la ville. Ouais, dans la ville. Contrairement, je crois, dans le milieu rural. Et là aussi, on en trouve les deux. Mais je crois que là, il y a une certaine modération, je dirais. Il n'y a pas une grande différence en termes de liberté ou de surveillance? Bien sûr, ce sont les deux extrêmes. Est-ce qu'un parent peut décider de surveiller un enfant et l'autre peut dire, moi je sais de donner la liberté à mes enfants et essayer de les encadrer? Comment on parvient à avoir ces deux attitudes au niveau des parents? Ça dépend du choix des parents, du moins comment ils ont décidé d'éduquer. Ils ont décidé d'élever leurs enfants, de leur donner, leur inculquer une éducation qui leur soit vraiment correcte. C'est de leur choix. En fait, il n'y a pas de règles, je dirais, qui sont définies, qui sont écrites là, déposées, selon lesquelles chaque parent, chaque foyer, chaque ménage pourrait s'inspirer pour éduquer ses enfants. C'est les parents qui choisissent. Moi, je vais éduquer mes enfants du jour au jour en faisant, en procédant comme ceci, comme ceci. Mais ils font face aussi à l'influence de l'extérieur par rapport à l'enfant qui voit comment son ami, son camarade, il est traité au niveau de l'autre famille. Voilà, alors c'est dans ce sens que, étant donné qu'il n'y a pas de règles qui sont préétablies, qui sont là, étant donné que chaque parent est ainsi amené à choisir lui-même la façon, la manière d'éduquer son enfant, c'est ainsi que même l'enfant, dans la réception des ordres, disons des ordres ou de la forme de l'éducation que va lui imposer son parent, il va aussi puiser dans le voisinage, dans l'entourage, et l'entourage c'est le monde entier. Mmh. Et tout comme le parent, lui aussi, pour éduquer ses enfants, il s'inspire un peu des modèles des différents modèles qui l'entourent. Il opère le choix selon ce que lui juge bon ou mauvais pour son enfant et lui donne. Monsieur Didier, c'est facile pour un parent de faire un choix quand il faut choisir ce qu'il faut inculquer à son enfant, surtout à un enfant qui réclame de plus en plus de liberté. En vrai dire, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour un parent de choisir ou de réguler peut-être le comportement de ses enfants. Parce que d'un côté, c'est un peu difficile avec le monde actuel. Et tous les enfants, peut-être avec l'accès qu'ils ont avec l'Internet, avec les films, où ils voient toutes choses. Et qui peuvent les conduire à d'autres comportements plus libéraux. Mmh. Et c'est un peu difficile pour certains parents. Mais ça dépend aussi de la fermeté des parents quand peut-être ils veulent conduire et avec l'éducation de base qu'ils donnent à leurs enfants. Là, ça devient alors plus facile quand les enfants ont grandi avec une éducation des parents dès le bas âge. Alors là, c'est plus facile pour les parents de canaliser les comportements des enfants. Mais quand, par exemple, pour certains parents, ça leur était difficile peut-être de canaliser les comportements, l'éducation de base de leurs enfants, alors avec l'ouverture du monde actuel, ça devient un peu compliqué. Ça devient un peu compliqué. Est-ce que aujourd'hui les parents burundais sont de plus en plus ancrés à trouver leur modèle ou tout simplement ils s'inspirent de la manière dont les autres font? Ce que je pourrais dire peut-être, ça est difficile pour les parents aujourd'hui burundais avec la mondialisation, avec la modernité. Et parce qu'il y a une aspiration d'une autre culture occidentale. Mmh. Alors avec ça, certains pays, parents tentent vouloir peut-être montrer des mauvais exemples d'abord, en copiant d'abord la culture occidentale. Mmh. Et on oublie notre culture de base burundaise. Mmh. Alors avec les enfants aussi, ça devient plus difficile. Prenons par exemple pour un parent qui voit qui copie le mode d'habillement, par exemple, le mode d'habillement occidental, et qu'il laisse les enfants comme ça, avec ce même mode-là. Et alors, ces enfants, ce serait un peu difficile de les rapporter à la culture burundaise. Alors là, c'est un peu, ça devient difficile pour ces parents, quand il s'agit d'être contrarié avec la culture occidentale. Merci, Monsieur Spagion. Quand est-ce qu'un parent peut s'inquiéter de degré de liberté pour son enfant qui risque de se traduire à une sorte de méconduite? Aujourd'hui, je crois que le parent devrait s'inquiéter à tout moment depuis la naissance de son enfant. Pourquoi je dis ça? C'est parce que actuellement, avec l'évolution des technologies de communication et de l'information, je nomme l'Internet, mais aussi les médias, la radio-télévision et tout consort, il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer, qui déterminent l'éducation que reçoit l'enfant dans la famille. Alors, depuis le bas âge, disons depuis que l'enfant a ouvert ses yeux, donc peut voir, c'est à combien de mois? C'est depuis 2 mois ou combien encore? Quand l'enfant commence à bien voir les choses, il commence à sourire, le bébé, là, je dis le bébé, le nourrisson, là, là, vraiment, il commence à capter des choses, commence à capter des images. C'est ainsi que vous trouverez un enfant de 3 ans, 2, 3 ans, il commence à te dire des choses que tu ne comprends pas. Il commence à appeler son papa chéri. Il commence à, du moins, percevoir sa féminité ou sa masculinité. C'est là, il commence à pouvoir déterminer des choses qui lui sont bien et des choses qui ne lui vont pas bien. Pour une petite histoire, chez nous, à la maison, nous avons un enfant qui a, je crois, 1 an et demi bientôt. 1 an et demi bientôt. Mais quand tu lui dis qu'elle est bien habillée, elle sait vraiment se sentir fière de son habit. Elle sait que tu lui fais un compliment. Et elle te sourit, signe de te montrer qu'elle est vraiment fière de ce que tu viens de lui dire. Ce qui veut dire que, à tout moment, depuis la naissance de son enfant, le parent devrait commencer à rester tout le temps vigilant par rapport à l'éducation de son enfant. Parce que à tout instant, il y a possibilité que l'enfant puisse acquérir quelque chose qui puisse détruire son éducation. Donc, veiller à son adolescence, la période est la plus critique. C'est un peu avoir tort. Il faut commencer dès le bas âge. Il faut commencer dès le bas âge. Ce n'est plus l'époque, je dirais, l'ancienne époque où on savait tout le monde, comme si c'était général, que pendant l'âge de la puberté, adolescence surtout, c'est là qu'il fallait vraiment veiller à l'éducation de ses enfants parce qu'il y avait risque de déviation, hein. Il y avait risque d'acquisition de mauvaises choses dans l'éducation des enfants. Aujourd'hui, je pense que depuis le bas âge, les 5 ans même, les premières cinq années, l'enfant peut vraiment perdre au niveau éducationnel. Il peut acquérir des modèles, il peut poursuivre des choses. Je donne l'exemple des chaînes de télévision là, les télénovelas. Ça impacte beaucoup plus, ça influence trop l'éducation des enfants, surtout sexuelle. Alors que la sexualité dans la société burundaise, c'est un sujet de tabou. C'est tabou. Il n'y a pas vraiment de dialogue entre parents et enfants autour de la sexualité. Et là, l'éducation sexuelle des enfants chez les Burundais, les enfants vont beaucoup puiser dans les films telenovelas, dans les chaînes telenovelas. Alors, les parents ne peuvent plus, à un certain moment, les parents ne peuvent plus contrôler. Ils ne peuvent plus contrôler ça. Et il y a déjà les enfants qui les dépassent. Ils les dépassent sur ce sujet. Il y a le parent qui n'a plus rien à dire devant son enfant. C'est pourquoi je dis qu'il faudrait que le parent devrait être vigilant depuis la naissance de l'enfant par rapport à l'éducation. Voilà, l'émission c'est Forum Jeunes. Nous sommes en train de débattre autour de la notion de la liberté, une notion controversée du côté parent mais également du côté enfant. Et on voudrait savoir quelle est la liberté qui convient à l'enfant qui pourrait être inculquée par les parents. Nous sommes sommes avec deux invités, Spajon Gabo, blogueur Ayaga Burundi, et Didier Ndamukunda, membre du collectif pour la promotion des associations des jeunes CPAJ. Nous sommes vers la fin de cette émission, mais comment un parent doit faire pour que, face aux enfants qui réclament davantage et plus de liberté? Oui, merci Pacifique. Tout d'abord, il faudrait comprendre que même si on a parlé de contrarier peut-être ou de limiter ou de conditionner la liberté chez les jeunes, chez les enfants, mais de l'autre côté, il y a un sens, un besoin d'ouverture, d'illimiter ou d'ouvrir la liberté d'épanouissement. Et la liberté intellectuelle, la liberté de se développer pour les enfants, pour les jeunes, parce que ça leur aide dans leur vie, dans les progressions, dans les processus de vie, d'être adulte. Mais toutefois, il faut que les parents puissent conditionner cette liberté et aider les jeunes surtout dans leur progression, dans les processus de développement pour qu'ils puissent savoir si tel jeune, mon enfant, est dans la transition de puberté, d'adolescence. Alors il faut que je lui aide comme ça, il faut que je lui aide comme cela. Et en d'autres termes, il faut aussi inculquer ou imposer une culture de dialogue. Mais pour qu'un parent puisse comprendre ce qui vient avec la modernité, des choses qui ne sont jamais arrivées quand le parent était jeune, comment il doit faire? Parce qu'il ne pourra jamais comprendre facilement ce que ressent un jeune face à ces nouvelles choses qui lui arrivent pendant son enfance, alors que le parent lui-même n'a jamais rencontré ça. Ah, ok. Peut-être que c'est ce que je venais de dire, le dialogue. Quand même un parent de Changuzo à Chendajuru, il peut peut-être chercher comment imposer des séances de discussion, des séances de dialogue avec son enfant, avec ses enfants. Et savoir comment les guider, comment conduire, comment orienter et ses enfants ou une jeune fille dans telle période tranche d'âge, et comment peut-être orienter tel enfant et comment aussi savoir tel besoin ou tel autre besoin. Et pour, par exemple, le jeune citadin, par exemple, dans le milieu urbain, comme ici, par exemple, à Bujumbura, où il y a une forte liberté chez les jeunes ou réclamation de liberté chez les jeunes, là aussi, les parents peuvent aussi savoir, parce que là, les parents sont un peu intellectuels. Les parents peut-être ont une ouverture de connaître la mondialisation, de connaître la modernité, de connaître d'autres cultures. Là, alors c'est là où peut-être ces parents-là peuvent voir de l'autre côté la culture occidentale et de l'autre côté notre culture burundaise, savoir marier ces deux cultures et savoir orienter les jeunes pour une bonne culture burundaise. Mais c'est dans la même culture burundaise et c'est pas aussi facile qu'il y ait un dialogue surtout les sujets entre parents et enfants. Oui, c'est difficile, mais c'est une condition sine qua non, c'est une condition impérative pour les parents. Pour si on veut peut-être développer, promouvoir une jeunesse responsable, une jeunesse citoyenne, une jeunesse avec de bons comportements, il faut un dialogue dès le bas âge avec les parents. Et les parents doivent aider les jeunes à acquérir, à conditionner, à limiter cette liberté peut-être d'un côté et à canaliser de bons comportements par rapport à d'autres ouverture de culture. Monsieur Spajon, est-ce que vous êtes d'accord avec le dialogue que préconise Didier pour les parents qui voudraient bien cadrer leurs enfants en termes de liberté pour une meilleure éducation? Ouais, je suis vraiment à 100% d'accord. Sinon, je dirais même qu'il n'y a pas autre choix. Les parents n'ont pas de choix. que d'ouvrir le dialogue par rapport à l'éducation de leurs enfants. En ouvrant cet espace de dialogue, on ne risque pas finalement de créer plus de liberté pour l'enfant et finalement créer un effet boomerang. Par contre, si on n'ouvre pas le dialogue, ce sera l'effet contraire. Mmh. L'ouverture du dialogue, ça permettra... Enfin, il y a un adage qui dit que si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Mmh. Dans ce sens, le parent va aider le jeune à comprendre la différence qui est entre cette modernité, parce que l'enfant, lui, va ouvrir ses yeux, il va trouver des choses modernes. Cette modernité et cette tradition, le parent, il va exposer tout ce qui est traditionnel et présenter à l'enfant ce qui est moderne. Et là, il va aider l'enfant comme un bon ami, cette fois-ci un bon ami, pas comme une autorité, comme un policier. Parce que si tu le fais aussi d'une façon policière, tu n'y arriveras pas. Tu risques de créer un esprit de rébellion chez l'enfant qui va se rebeller contre toi. Et là, tu n'auras pas réussi. Tu agis en ami et tu aides l'enfant à choisir ce qui est bon et dans la modernité. Et dans la tradition. Parce que ce n'est pas parce que c'est la tradition que tout est bon. Il y a ce qui est mauvais dans la tradition, il y a ce qui est bon dans la modernité et vice versa. Et l'autre chose, c'est que aujourd'hui, les parents, si on parlait en termes de modernité, les parents sont vraiment dépassés. Ils ne savent pas comment se saisir. Mmh. L'exemple, c'est que si le parent parvient parce que c'est pas beaucoup qui parviennent à ouvrir un compte WhatsApp, à créer son WhatsApp, à utiliser WhatsApp. Il y a l'enfant qui est déjà sur Snapchat. Mm-hmm. Et le parent, je crois, il n'utilisera jamais, il ne sait même pas ce que c'est Snapchat. S'il n'y a pas un dialogue pour que l'enfant explique ce que c'est Snapchat, chat aux parents, et le parent lui parle de l'ancien modèle des lettres écrites. Là, vraiment, il y a l'enfant et le parent qui resteront toujours en déphasage. On ne saura pas comment déterminer l'éducation. Du moins, l'éducation de l'enfant ne sera pas inculquée par le parent. Voilà, donc vous êtes tous d'accord qu'il faut un dialogue entre enfants et parents pour que on puisse bien cadrer, trouver un cadre d'entente par rapport à cette liberté. En tout cas, merci pour cette discussion qui était très bonne par rapport à vos avis. Je vous dis merci pour avoir répondu à notre invitation. Spagion Gabo, blogueur Ayaga Burundi, merci pour avoir répondu à notre invitation dans Forum Jeune. Merci pour l'invitation. Je dis également merci à Didier Ndamukunda, membre du collectif et pour la promotion des associations des jeunes CPAJ. Merci pour avoir été des nôtres dans cette émission Forum Jeune. Oui, merci Pacifique, mais sinon je ne quitterai peut-être pas ici sans signaler que c'est un sujet qui est un peu vaste et complexe aussi. Mm-hmm. Et avec le temps imparti peut-être à la mission, il faudrait peut-être chercher encore d'autres occasions pour en discuter. Oui. En tout cas, merci beaucoup à vous tous à l'écoute de cette émission. Nous disons merci pour votre aimable attention. Au micro, vous étiez avec Pacifique Chubahiro. Merci également à Séraphine Kizimana pour la mise en onde de cette émission Forum Jeune. Sinon, les émissions de la radio Sanganiro continuent.